Le 17 courant, le comité préparatoire bulgare pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung vient d'être constitué à Sofia, alors que le comité préparatoire pour la journée du soleil est constitué le même jour par l'organisation sociale russe Borodino. À l'occasion de la journée du soleil, les comités préparatoires ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles en l'honneur de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il.